que moi je vais vivre ici et que moi je veux travailler ici, je veux tout avoir ici. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Un ministre, hein, pas de Sarkozy, comme ça ils donneraient plein de papiers aux immigrants.